Elle nous réunit le soir à table, elle nous réunit. Elle nous parle à table à tous, elle dit, voilà, j'ai vu le receveur de des indirects. Il arrive un nouvel employé, un vérificateur. Il m'a demandé si je pouvais le prendre en pension. Alors, je voudrais votre avis. Alors, les jeunes filles et moi, nous avons dit, ben certainement, vous pouvez le prendre. Ça ne nous gênait pas, nous, qu'elle prenne un pensionnaire. Hein. Alors, donc, elle a pris en pension ce jeune homme des indirects, qui avait un nom bizarre, hein, Salz, et qu'on finissait par appeler Monsieur Très Bien. C'était le jeune homme Très Bien. Parce qu'il était pas mal, ton grand-père, tu sais. Il faisait 75 kilos, il était bel homme, il était avenant, il était souriant. Et puis, ma foi, ça ne nous gênait pas, il y en avait un qui était déjà de la maison. Puis là, les relations, ça se limitait au repas, et puis chacun se séparait, chacun rentrait chez soi. Puis lui, très souvent, il n'était pas là. Il faisait de grandes tournées, tu sais, il s'appuyait quelquefois 50 km à bicyclette dans un pays assez vallonné. C'est la région des lacs, il y avait 5 lacs qui alimentaient qui alimentent le canal de Bourgogne. Il y a Grosbois, il y a Pantier. Et puis alors c'est vallonné, c'est déjà l'Aussois et ça s'approche du Morvan. Alors il faisait 50 km à bicyclette avec son receveur. Alors très souvent il partait pour la journée. Alors souvent il n'était pas là au déjeuner à midi. Et voilà, notre vie se continuait bien calme jusqu'aux vacances de Noël. Aux vacances de Noël, la maîtresse de pension a voulu préparer un petit repas, un petit réveillon. À ce moment-là, nous n'avions pas de vacances, pas de grandes vacances de Noël ou Nouvel An. Les vacances se limitaient au jour de Noël et on reprenait la classe et on repartait pour quelques jours au Nouvel An. Alors donc, pour Noël, elle avait décidé de faire quelques pâtisseries. Et puis, les deux jeunes gens avaient offert d'acheter le vin, le champagne. Puis je ne sais plus ce que nous avions acheté, nous les jeunes filles, des petits biscuits secs, des chocolats, des choses comme ça. Hein. Je ne sais pas si je te raconte la suite de l'aventure, parce que ça m'amuse, ça m'émeut en même temps. Alors, dans les alentours, il y avait une jeune fille très bien, très brune, une belle fille. Elle faisait le remplacement d'une dame qui avait eu un bébé. Alors, comme elle ne pouvait pas partir, elle est venue vers moi. D'abord, j'avais eu l'occasion de la rencontrer avec d'autres de mes camarades des alentours. On se réunissait souvent le jeudi chez moi. Alors, elle était un peu navrée de ne pas partir, parce qu'elle était de la Saône-et-Loire, je crois. Alors, je lui ai dit, écoutez, si vous voulez, venez, nous passerons réveillon ensemble dans la pension où je suis, et puis vous coucherez avec moi. Alors bon, en effet, elle accepte, très heureuse de passer Noël un peu en famille. Puis je l'ai présentée, ça je savais qu'à la pension où j'étais, elle était acceptée. Quand nous sommes arrivés le soir, je l'ai présentée à tout le monde. Alors je la présente à ton grand-père, il dit « Oh, mais mademoiselle, je la connais, je vous ai vu mademoiselle, à Milly, dans un village voisin, tel jour, vous étiez dans le village. » Elle dit « C'est possible. » Alors comme elle était l'invitée, nous la plaçons entre les deux jeunes gens. Hein. Ah, qu'est-ce que j'avais fait là? Qu'est-ce que j'avais fait là? C'est que quand nous sommes rentrés à la maison, il m'a remarqué. Il m'a remarqué. Mais elle a eu un coup de foudre, c'est le cas de le dire. Mais pourquoi m'a-t-il remarqué? Est-ce que c'est pour mes cheveux? Est-ce que c'est pour mon teint d'Andalouse? Moi, ton grand-père ne me déplaisait pas. Hein. Je l'avais remarqué, mais je ne disais rien. Déjà, lui, il avait essayé de tâter le terrain aussi vers la maîtresse de pension qui m'en avait parlé puis à plusieurs reprises. Vous savez, monsieur Salz, il voudrait bien vous demander un mariage. J'ai dit non, je ne veux pas me marier. Je ne veux pas me marier. Je ne disais rien, mais il ne me déplaisait pas. Hein. Bon, ça s'arrête là. Elle part. Moi, je fais ma classe et puis je viens chez mes parents. Alors, je reçois une carte depuis Yann-Nossois chez mes parents, où cette maîtresse de pension m'envoyait ses vœux et me donnait quelques nouvelles de la maison. Alors, elle me dit, Monsieur Salles a bien fait le fête du Nouvel An, ils ont dansé, etc. C'est papa qui ouvre la carte, qui ouvre la lettre. Il me dit, mais pourquoi te parle-t-elle de Monsieur Salles? Je ne sais pas pourquoi. Parce que nous vivons ensemble. Enfin, ça ne te regarde pas ce qu'il fait. Hein? Et je me souviens, quand je suis reparti, il m'a accompagné au train. Le matin, je prenais le train à 6 heures pour remonter. Il me dit, et surtout, hein, pas de Monsieur Salles. Mais je dis, mais non, papa, rassure-toi, il n'y a rien, absolument rien. Bon, nous partons. On se sépare. Quelques jours après, le jeudi, cette jeune fille continuait sa suppléance. Elle me dit, vous savez, ça m'ennuie. Mais Monsieur Salles, il me plaît beaucoup. Si je pouvais avoir un poste dans mes alentours, on m'a dit qu'il y aurait un congé par là, dans les alentours. Vous voudriez pas venir avec moi? J'ai dit, pourquoi pas. Mais j'avais pas de bicyclette. C'est assez loin de Pouilly-en-Ossois. Alors Madame Dumontel, la dame où j'étais en pension, me dit, et vous avez la bicyclette de Jeanne, de sa fille. Vous pouvez accompagner mademoiselle. Bon, elle avait sa bicyclette, je prends la bicyclette de Jeanne. Et moi j'habitais sur le canal de Bourgogne, mais à l'endroit où il est couvert. Tu vois, c'est un canal assez long. Le canal passe sous un tunnel. Et sur le tunnel, sur le canal, il y avait une plantation des rangées d'arbres. Moi j'habitais là. Alors pour descendre pour aller dans le village, il y a une pente. Moi je descends sur la bicyclette un peu haute pour moi. Quand j'arrive en bas de la descente, c'était au mois d'octobre déjà, il n'avait plu, les cantonniers avaient ramassé la boue, oh, avec des raclettes, ils ramassaient la boue, ils te faisaient des tas un peu sur le côté des rues. En arrivant en bas de la rue, puis je vois sortir de sa ruelle Monsieur Salles. Il me débouche là, je perds le guidon, je perds les pédales, je tombe dans la boue. Catastrophe. J'étais en deuil de ma grand-mère reine, j'avais le costume noir, les gants de peau et tout. Je t'assure que je n'ai pas demandé mon reste. Je suis partie précipitamment en laissant la bicyclette, la collègue et Monsieur Salles. Et je suis revenue me laver, puis finalement changer d'habit. Je nageais dans la boue. Et je repars. Elle m'avait attendu. Monsieur Salles avait posé la bicyclette sur le côté du mur et puis il était parti faire sa tournée. Tu vois, si j'étais vexée. Alors nous allons avec cette demoiselle le long du canal pour aller jusqu'à midi. Finalement, elle ne l'a pas eu ce poste. Elle n'a pas pu l'avoir, il y en a eu d'autres qui l'ont eu. Ça a été fini, la grande aventure avec la demoiselle andalouse, si on peut dire. Et puis à la fin de janvier, alors ton grand-père m'a demandé en mariage. Je te raconte Oui, la c'est une science. mauvaise idée, ouais. Tu la connais peut-être Non, déjà. non. Non? Non. Alors habituellement, après le repas, que ce soit les jours de classe, n'en parlons pas, puisqu'on partait à notre travail. Mais le jeudi, je ne restais jamais, je rentrais toujours chez moi. Et je te dis, j'avais quelques petites amies qui venaient, on prenait le thé à 4 heures, on causait un peu. Alors ce jeudi-là, Madame Dumontel, la maîtresse de pension, me dit, Mademoiselle Soyer, vous devriez rester après le repas, Monsieur Salles voudrait vous causer. Bon, ben, je dis, je resterai. Elle me dit ça discrètement, parce qu'on n'arrivait pas tout ensemble. Alors je les laisse partir et moi je reste. Alors on va s'asseoir. Il y avait une espèce de banc sous la porte de la cuisine où nous mangeons. Cuisine, salle à manger. Et puis il me demande un mariage. Il me dit, voilà, je gagne 500 francs par mois. Mes parents de Perpignan. J'ai une sœur, mes parents ont une maison. Je gagne 500 francs par mois, si vous voulez, nous pourrions nous marier. Je lui réponds, si vos parents sont d'accord et les miens aussi, je gagne 432 francs par mois. 432 francs par mois, je ne dis pas non. Mais je vous préviens, il y aura un mariage religieux, et si par hasard nous avons des enfants, ils seront baptisés. C'est tout prévu. Alors il a fait, ah oui. Alors il a accepté. Il rentre chez lui, il écrit à ses parents. Moi je rentre chez moi, j'écris à mes parents. Je poste la lettre, par retour du courrier, j'ai une lettre de mon père qui me dit « Tu t'es laissé prendre comme une alouette au miroir, tu ne te marieras pas avec Monsieur Salles. » C'était catégorique. Alors j'ai reçu la lettre le samedi matin, c'était un petit choc. Lui, il a attendu un peu plus longtemps. Je ne lui ai pas dit que j'avais cette réponse. Et le samedi soir, je suis descendue à Dijon. Et puis je l'ai dit à mes parents, j'ai dit non, vous ne m'empêchez pas de me marier. Moi, je lui ai demandé, je sais qu'il n'est pas pratiquant, il a été baptisé, mais il n'est pas pratiquant. Il a des idées avancées, et ça s'explique, il vient de faire la guerre, il a été pilote pendant la guerre, ça s'explique. Moi, je tiens à lui. Alors, papa n'était pas d'accord du tout. Maman hésitait. Il n'y a que ma sœur qui a plaidé pour moi. Alors finalement, je suis partie avec un léger espoir quand même. Et puis après, je leur ai dit, écoutez, vous voulez bien le recevoir, vous ne le connaissez pas. Vous êtes venu quelques fois, vous avez mangé à la pension avec nous, vous l'avez très peu vu. Vous l'avez entendu causer sur des événements. Bien sûr, c'était pas le calme républicain de mon père, c'était la révolution. Hein. Pape Péjot, tu sais, il était exalté, puis tous ces combattants, ils revenaient avec des idées un peu extraordinaire. Et puis non, mon père était un radical bontain, un bon républicain, mais c'était pas des idées aussi avancées que ça. Hein. Alors quand même, ils ont accepté de le recevoir. J'arrive un samedi soir toujours, et lui devait arriver le dimanche matin. Alors samedi soir, grande délibération, grand conseil de famille. Qui ira le chercher? C'était pas maman. C'était pas ma sœur, encore bien moins moi. Alors mon père, à contre-cœur, est allé le chercher. Et je t'assure, quand je les ai vus arriver tous les deux à la maison, ton grand-père avec un costume gris impeccable que sa mère lui avait fait faire, un chapeau gris, une canne qu'on lui avait prêtée et des gants beurre frais, ça a été vraiment émouvant. Et voilà.